Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour. Bien dans la précédente émission de Racine de Moisin, on avait entendu la première partie d'une interview avec Xavier Noulian, qui a écrit Le ménage des champs, chronique d'un éleveur au XXIe siècle. Et donc, je vous propose pour cette nouvelle émission d'écouter la suite de cette interview, la deuxième partie, donc réalisée par la radio Canal Sud et mise en forme aussi par les gens de cette radio. Donc, tout de suite, je laisse la parole à Xavier Noulian. Le bouquin s'appelle Le ménage des champs. Il faut simplement savoir que Le ménage des champs, c'est un titre que j'ai pas inventé, puisque la première encyclopédie agricole française date de 1600, donc sous Henri IV, qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Olivier de Serres. Son bouquin est toujours disponible chez Actes Sud encore aujourd'hui, et j'engage tout le monde à lire. C'est assez étonnant comme livre, parce qu'en plus c'est écrit en vieux français. Voilà, donc Olivier de Serres, il fait le tour de France et c'est une vraie encyclopédie parce qu'il fait une recension de toutes les pratiques agricoles qu'il rencontre dans la France entière. Et ce qui est assez rigolo, la raison pour laquelle on a quand même appelé notre livre Le ménage des champs, c'est que si aujourd'hui quelqu'un voulait s'amuser à faire le tour de France pour relever les pratiques, je pense qu'il ferait un bouquin sur des normes, des chartes, des démarches de certification. C'est surtout ça qu'il trouverait, et pas trop de méthodes agricoles. Aujourd'hui, c'est le second volet de la rencontre avec Xavier Noulian. Cette fois-ci, on va tenter de démêler l'action de l'administration dans l'industrialisation de l'agriculture. Les normes, les contrôles qualité, les procédures de certification, bien loin de participer à sécuriser la production agricole, ne font que reconduire les conditions du désastre, notamment en éliminant les agriculteurs. Bienvenue. Bienvenue dans un monde d'avenir. Un monde où les progrès des biotechnologies ouvrent de nouveaux horizons aux plantes, à la santé, à la vie. Bienvenue dans un monde d'innovation où se conçoivent les matériaux du futur. Bienvenue dans un monde où les progrès de la chimie et des fibres permettent de créer des équipements de haute performance. Rhône Poulenc, bienvenue dans un monde que nous contribuons jour après jour à rendre meilleur. Grosso modo, l'idée quand tu bosses chez un chimiste, c'est que j'ai travaillé dans plein de domaines, mais jamais dans la chimie. Et justement, c'est pour ça qu'ils m'embauchent, parce que du coup, l'idée, c'est de travailler sur les domaines d'application où ils peuvent vendre leurs molécules chimiques. Et après, la grosse partie, c'est effectivement l'arrivée d'un truc qui était assez surprenant pour moi, parce que je n'étais pas habitué au boulot de cadre, c'est le côté très bureaucratique, quoi. C'est-à-dire que si tu veux, déjà, à Rhône Poulenc, à l'époque, il y a ce qu'ils appellent la révolution, c'est-à-dire que c'était une entreprise qui était nationalisée dans les années 80, qui est en train d'être complètement démantelée pour être vendue en morceaux, et donc il faut la professionnaliser. C'est-à-dire que c'était presque un fonctionnement comme un laboratoire de recherche. Là, d'un coup, il faut vraiment que ça devienne une entreprise capitaliste et libérale, quoi, tout simplement. Et donc, il y a une vraie révolution en interne et on se met à faire de la qualité. Et en fait, bizarrement, avec toutes ces méthodes d'optimisation de la fabrication de la production et de la fabrication de résultats de recherche, arrivent des méthodes de rationalisation. Et parmi les méthodes de rationalisation, il y a ce qu'on appelle la certification, que maintenant tout le monde connaît, ISO 9001. Bon, il y a toute une rhétorique qui fait que... Moi, je suis déjà préparé dans mes études, dès les années 90, à chaque fois que j'ai fait des études dans les matériaux et tout, on m'a toujours parlé de ça, on nous a préparé à ça. Donc quand j'arrive, je trouve ça presque pas normal, mais... Après, ce que je connais pas, c'est la réalité au quotidien. Qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce que ce genre de méthode de certification, qu'est-ce que ça implique dans ton boulot au quotidien, mais surtout dans ton état d'esprit, dans ton rapport à ton boulot et dans ton rapport aux gens? Et ça, c'est un truc qu'on va retrouver, dont on va reparler après dans l'agriculture, parce que c'est vraiment c'est une des choses qui est le plus difficile à comprendre et que les agriculteurs n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ne le vivent pas de la même manière, parce qu'ils ont une espèce d'environnement un peu idyllique de la ferme autour d'eux. Mais dans une industrie, ça ne se passe pas comme ça. C'est la même méthode, mais c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus froid. Et donc, effectivement, si tu veux, la base de la certification ISO 9001, c'est que tu dois assurer que ce que tu produis, quel que soit ce que tu produis, donc moi c'était des résultats de recherche, mais ça peut être n'importe quel type de production, de la pâte dentifrice, tu dois garantir à ton client que ce produit que tu produis va être produit dans certaines conditions, et la garantie vient là-dessus, se passe là-dessus, sur la façon dont tu travailles et la façon dont tu vas produire ce truc-là. Et donc, pour assurer le fait que tu vas produire une fourchette toujours de la même manière ou une pâte dentifrice toujours de la même manière, tu te mets à devoir rédiger des procédures sur ta manière de travailler. Et une fois que ce travail-là est fait, plus personne ne peut s'écarter de cette procédure-là. Il y a des règles qui se mettent en place parce qu'on peut évidemment changer les procédures de fabrication, mais dans ce cas-là, on rentre dans une... Et là, tu commences à voir se construire vraiment un fonctionnement bureaucratique et administratif. Ou même si le bon sens veut qu'aujourd'hui tu tournes la manette à droite plutôt qu'à gauche, hier parce que tu t'as compris, il vaut mieux la tourner à droite, tu peux pas le faire parce que il faut que tu engages une procédure qui va modifier une procédure parce que du coup sinon la garantie que le résultat ressemblera à ce que tu as fait la veille n'est plus assurée. Et donc à partir de ce moment-là, tu te mets à devoir tout écrire ce que tu fais, tu te mets à devoir codifier tout ce que tu fais, tes collègues, les résultats de recherche, et ça d'un coup. Alors ça, tout le monde commence à connaître ça maintenant, parce que c'est vraiment la certification commence à rentrer dans des domaines où on n'imaginait même pas qu'il puisse y avoir la certification avant, comme la formation, pourquoi pas un jour dans l'éducation nationale. Il n'y a aucune raison que la grosse blague, c'est, je dis des fois, les gens seront obligés d'être certifiés pour avoir un frigo. Moi, en tant que fabricant de fromage, puisque donc du coup je suis fabricant de fromage, ben effectivement, moi je suis, quelles que soient mes réticences vis-à-vis de la production industrielle, je suis certifié. Quand je vends mes fromages sur le marché, il y a ce qu'on appelle un transfert de responsabilité. C'est-à-dire que quand je te donne mon fromage, à partir du moment où je le lâche, c'est plus moi qui en suis responsable. J'ai une démarche professionnelle, je fais des autocontrôles 3 fois par an, où je fais analyser mes fromages. Si jamais un jour tu viens et que tu me dis « j'ai eu une grosse chiasse avec tes fromages », première chose que je vais te faire, c'est que je vais t'opposer ma démarche professionnelle. Et donc du coup, ça veut dire qu'en termes d'assurance, tout va retomber sur toi. Un jour, les assurances vont te demander à toi ta capacité à être capable de gérer mon fromage dans ton frigo. En écrivant ces mots, je me sens seul. Le miroir aux alouettes de la certification bio, avec des majuscules, fonctionne aussi bien sur les consommateurs que je rencontre sur les marchés que sur les producteurs. Les uns, comme les autres, produisent, vendent, achètent, mangent non pas des aliments, mais de l'image. Ils veulent trouver à consommer ce en quoi ils veulent croire, et ils veulent croire qu'un autre monde est possible. Mais si un autre monde était possible, ce que j'appelle de mes voeux et qui fait que j'ai pris le parti d'écrire ces lignes, il devrait échapper à toutes les mystifications que produit celui dans lequel nous vivons, ce qui ne sera pas la moindre des difficultés auxquelles il faudra faire face. Ce qui est arrivé à la bio dans les 25 dernières années, c'est vraiment un cas d'école de l'industrialisation. C'est-à-dire, si quelqu'un a envie de comprendre comment est-ce qu'on prend un domaine et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il devienne un acteur de la société industrielle, la bio, c'est, je ne connais pas de meilleur exemple. J'utilise le terme dans le bouquin de bio avec un B majuscule pour parler justement de cette bio qui est née dans les années 90 suite à la certification. Et j'utilise le terme B minuscule pour parler de l'acception classique de la bio, c'est-à-dire voilà, ce dont je parlais tout à l'heure, le rapport avec les produits phytosanitaires qui n'ont... Enfin, il n'y a aucun rapport avec la réglementation. Hein. Tu peux très bien faire de la bio, respecter la réglementation et ne jamais approcher de près un produit phytosanitaire. L'agriculture biologique ne t'oblige pas à utiliser un produit phytosanitaire. La bio existe depuis, grosso modo, enfin, on fait remonter la bio dans les années 20. C'est-à-dire au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a une arrivée en masse de produits phytosanitaires, pesticides, tous les pesticides, quoi, donc fongicides et compagnie. tous les produits qui ont été développés pour la Première Guerre mondiale arrivent dans l'agriculture et ça fabrique l'agriculture industrielle d'aujourd'hui, même si ça serait tout un débat de parler de c'est quoi l'agriculture industrielle. D'un point de vue technique, enfin en tout cas comme porte d'entrée pour définir l'industrialisation de l'agriculture, c'est quand même que... Yannick Ogor. C'est un système de qui organise la perte d'autonomie du paysan. Quand on peut encore parler de paysan jusqu'au début du XXe siècle, la production d'énergie nécessaire à faire tourner une ferme, elle est fabriquée sur la ferme elle-même. C'est-à-dire que les animaux de trait, l'humain lui-même, se nourrissent des produits fabriqués sur la ferme. Dès l'instant où il met le pied dans la mécanisation, dans ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire pesticides, engrais, il rentre dans une économie entièrement structurée autour de l'économie pétrolière. Et ça, le basculement qu'on peut voir massif à ce moment-là, il est dans les années 20, entre les deux guerres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques mouvements qui se fabriquent. Donc, c'est des mouvements complètement indépendants. Donc, tu as, notre cher Steiner qui écrit, qui fait des conférences sur l'agriculture et qui fabrique le mouvement qu'on connaît aujourd'hui comme étant la biodynamie. Ça fabrique, le maire Boucher. Enfin, il y a plein de techniques, 4, 5, 6, 7 mouvements qui se limitent en général, à part la biodynamie, qui se limitent à une manière différente d'amender le sol. C'est-à-dire de ne pas utiliser d'engrais minéraux, mais de comprendre le fonctionnement du sol et d'apporter d'autres types d'éléments qui sont des éléments plus naturels pour gérer les équilibres de sol et fabriquer faire de la production. Contrairement à ce qu'on imagine, ces mouvements-là viennent de tous les horizons politiques, puisqu'il y a beaucoup de mouvements politiques qui sont liés à l'extrême droite. Je ne veux pas dire que Steiner est d'extrême droite, mais... certains, comme Le Maire Boucher, n'ont pas caché leur sympathie avec Vichy. Hein, voilà. Ça, c'est un truc qu'on a un peu oublié dans la bio. Ça fait partie de l'amnésie générale dans l'agriculture, mais il y aurait une histoire à faire sur l'agriculture biologique. Parce que quand je suis arrivé dans le Lot-et-Garonne, je me suis rendu compte que dans le Lot-et-Garonne, il y a tout le spectre de l'agriculture biologique. Moi, j'arrivais du sud-est de la France où, quand on est bio, on est de gauche. Non, évidemment pas du tout. Il y a beaucoup plus de filiation entre la bio et l'extrême droite, d'un point de vue historique, hein. Qu'avec avec la gauche, et ça il y a beaucoup de monde qui veulent pas du tout le voir, et ça serait bien de clarifier un peu cette histoire là, mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc bref, tous ces mouvements là vivent les uns à côté des autres, évidemment ils finissent par rentrer en contact, mais il n'y a pas du tout de certification, c'est des méthodes qui existent, que les gens appliquent ou n'appliquent pas. C'est un mouvement qu'on appelle libre, vraiment, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Tu veux passer d'une méthode à l'autre, tu fais exactement ce que tu veux. Et donc il y a voilà, ça repose beaucoup sur la communication entre les agriculteurs, où ils échangent beaucoup de choses et compagnie. Et puis, dans les années 70, il y a ce qu'on appelle l'IFOAM, donc, qui a donné une mention qui existe toujours aujourd'hui, Nature et Progrès, qui essaye, sur le plan international, de fabriquer une espèce de charte. Mais alors, vraiment, ils font ça au minimum. Il y a la charte, elle est dans mon bouquin. Je l'ai mis parce que je pense que 80%, si ce n'est pas 90% des agriculteurs bio, ne savent même pas que ça a existé un jour. C'est pour montrer qu'à une époque, le bio était un projet social et non pas une mode de production. Puisque quand tu lis la charte de l'IFOAM, il y a des considérations sur le salariat, des considérations sur, pas seulement sur le mode de production, mais sur tout ce qu'engage un mode de production. C'est hyper succinct, hein, c'est 25 lignes, tu vois, c'est hyper rapide. Mais c'était un travail de défrichage. Et en fait, on n'est jamais allé plus loin, on est plutôt revenu en arrière. We'll be right back. Nous avions rencontré la bio longtemps avant de nous installer. Nous ignorions tout de la réglementation européenne, avec son cahier des charges RCE numéro 2092/91. Une seule conversation téléphonique avec le responsable de notre futur organisme de certification suffit pourtant à me faire reconnaître dans le protocole RCE numéro 2092/91 un avatar de cette démarche qualité rencontrée quelques années plus tôt chez Rhône Poulenc. Le bonhomme me parlait dans un langage familier que j'avais moi-même pratiqué autrefois. Son vocabulaire, le ton qu'il employait, cette cadence machinale de l'expert des processus me ramenait 5 ans en arrière. Par les seuls termes qu'il utilisait, je compris qu'en m'installant dans le Lot-et-Garonne, je n'en avais pas fini avec le monde industriel. Et que ce monde industriel présidait aux destinées de la bio, en tout cas, aux destinées de la certification AB. Je rédigeais dans ma tête une note en jargon d'expert technocrate pour décrire le rapprochement entre la vie que j'avais menée et celle dans laquelle je m'apprêtais à entrer. Mes attributions chez Rhône Poulenc consistaient à assurer à mon laboratoire la certification de sa capacité à produire des résultats de recherche selon le cahier des charges de la norme internationale ISO 9001. Mes attributions à planter consistent à assurer à ma ferme la certification de sa capacité à produire des fromages selon les normes du cahier des charges européen de l'agriculture biologique RCE 2092-91. Dans les années 80 et après dans les années 90, il y a la certification qui arrive. Et donc là, c'est l'État qui décide un jour de dire « Bon, ben maintenant, on va mettre en place un cahier des charges. » Alors, il y avait Nature et Progrès qui avait essayé de faire un cahier des charges avant, qui avait fait un cahier des charges dans les années 70-78 et qui était la première mention que l'État a donnée, c'était à eux. En 90, on cherche à faire une harmonisation en fait, dans la certification. Et donc, il y a cet objet-là, la certification, qui déboule. Il faut au moins essayer de revenir un petit peu en arrière sur c'est quoi la qualité, c'est quoi la certification, c'est quoi un cahier des charges. Bon, la démarche qualité, c'est tout ce qui a structuré la production industrielle du XXe siècle. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, dans les années 20 toujours, quand la production de masse commence vraiment à se développer, il y a des milliers de kilomètres entre l'endroit où on fabrique le maïs et l'endroit où il va être consommé. Et vu que tout le monde fait du maïs et que c'est le même maïs, pour pouvoir, donc sur le simple plan libéral, pour que le consommateur puisse exercer son choix, il faut qu'on puisse mettre en avant des critères différents entre deux épis de maïs qui se ressemblent. Ça, c'est la qualité. Et pour pouvoir faire suivre ces critères de qualité du producteur au consommateur, on invente la traçabilité. Et toute la production de masse du XXe siècle se structure autour de ça. C'est vraiment la colonne vertébrale de la production de masse du XXe siècle. Et quand la bio naît, quand la certification bio naît, les agriculteurs bio, alors qu'ils sont dans un mouvement, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est né en s'opposant à l'industrialisation, ils récupèrent cette méthode industrielle, sans même voir d'où elle arrive, sans jamais la critiquer, en fait. Je déconne, mais à l'époque, il y a eu 5-6% des agriculteurs qui ont commencé à dire non, attention, il ne faut pas rentrer dans là-dedans parce qu'on va se faire... Je connais des agriculteurs qui ont connu cette période-là où il y a certains qui ont dit il ne faut surtout pas rentrer dans la certification. Mais ils ont été honnêtement complètement blackboulés et ils n'étaient pas la majorité, donc ils ont vite fermé leur gueule. On s'aperçoit que dès qu'on a des problèmes, on n'est plus défendable, c'est quand... On n'a plus le même rythme de vie que le paysan moyen. Quoi. Dès qu'on se lève un peu tard ou dès qu'on n'a pas un programme une journée bien réglée, si ça ne correspond pas à ce que vive le paysan moyen, bon ben on n'est plus défendable. Ou bien alors si on donne plus d'importance à son jardin ou au fait de garder ses gosses ou de faire la vaisselle ou qu'on donne à son boulot, bon ben on n'est plus défendable. Je pense que c'est actuellement le gros problème sur lequel on bloque avec le syndicat. Quoi. C'est qu'il est d'accord de te défendre, en condition que tu restes dans une certaine ligne, quoi, que tu sois crédible au niveau paysan. Si tu remets en cause un tas de choses comme les horaires ou les façons de rapport avec les bêtes, la qualité de ton produit, Parce que le paysan, lui, le syndicaliste, quoi, c'est pas ça qui l'intéresse dans le moment, c'est la défense de son revenu. Quoi. Quand vous regardez l'histoire du syndicalisme agricole au XXe siècle, il n'y a pas eu un seul syndicat qui a développé une idée anti-industrielle dans tout le XXe siècle. Pas un seul. C'est-à-dire, pour le dire clairement, même pas la Confédération paysanne. Parce qu'elle a effectivement en surface un discours anti-industriel, mais notre expérience sur le puçage électronique nous a démontré qu'en réalité, par exemple, pour le dire rapidement, la Confédération paysanne prétend se battre contre le puçage électronique, mais accepte le principe de traçabilité. Ce qui n'a, pour moi, quand on veut comprendre d'où vient l'industrialisation, à la limite, la puce électronique, j'en ai rien à faire. Je ne me bats pas contre une technologie. Mais si on veut se battre contre une méthode d'industrialisation, alors c'est la traçabilité qu'il faut combattre. Et la Confédération paysanne refuse complètement de se battre contre la traçabilité, qui est quand même le nœud de la guerre de la production, je le rappelle. Encaustique, pneumatique, le fric. Pragmatique, névralgique, le flic. Sophistique, sulfurique, explique. Je divague, ce n'est pas grave, c'est un gag, je me gave de moi. Il est beau, il est laid, il est. Il est vrai, il est faux, il fait. Empirique, fatidique, unique. Je divague, ce n'est pas grave, c'est un gag, je me gave de moi. La gestion administrative de l'agriculture n'a abouti qu'à une réduction drastique du nombre de paysans, à une augmentation de leur endettement et à la création d'un débouché pour produits industriels dans les campagnes. La puce électronique est dans la continuité de ce processus. Ce sera le perfectionnement d'un système de domination bureaucratique. C'est ce qu'il faut répondre aux éleveurs qui ne voient pas dans la puce électronique plus de raisons de s'indigner que pour la précédente technique d'identification. Le fait même qu'ils arrivent à ce constat d'impuissance et de collaboration fait partie intégrante d'un processus de maîtrise et de domination du côté de l'administration et d'un processus d'acceptation et de soumission du côté des producteurs. Le fait de ne plus voir l'origine du conflit interdit de voir jusqu'au conflit lui-même, même lorsqu'il se présente de façon aussi flagrante. C'est le fait que l'administration accompagne l'industrialisation de l'agriculture depuis le début qui permet d'imposer, ou plutôt d'insérer tranquillement, des techniques comme la puce électronique dans toutes les exploitations. La perte de maîtrise de leur propre vie est telle qu'elle a rendu les agriculteurs aveugles. Ils ne voient pas que les puces électroniques sont des prothèses, ni ce qu'elles empêcheront, ni ce qu'elles contribueront à faire disparaître. Redisons-le, les puces électroniques empêcheront la maîtrise qu'a un éleveur dans le choix de ses méthodes d'élevage. Le puçage électronique finit par écarter l'éleveur des prises de décision instinctives qu'il fait librement et par expérience dans ses gestes quotidiens. Sans cette maîtrise, le résultat de son travail ne lui est plus propre, il ne lui est plus spécifique. L'éleveur n'a plus sa dignité car il perd le sens de son travail et c'est finalement son troupeau qu'il perd. Et même, ils te disent, donc là je cite un type qui m'en voudra pas parce qu'il est décédé depuis, il s'appelle Gérard Capla, et qui lui-même fait des conférences, donc c'est un mec de Nature et Progrès, donc c'est, tu vois, un historique de la bio, et qui fait des conférences sur Limoges pour expliquer en quoi est-ce que la bio va gagner à être incorporée dans le mouvement de production de masse. Et donc là, il y a des conférences qui sont, je te jure, il faut lire ça pour te rendre compte du délire et surtout de l'acceptation. Et ce qui est intéressant là, c'est que on peut pas dire que c'est un mouvement qui est venu de l'extérieur de l'agriculture biologique, parce que ce mec-là, il fait partie du mouvement bio, et c'est lui qui accepte le fait qu'on introduise ces méthodes-là, probablement parce qu'il voit pas du tout... enfin, je sais pas, si, lui, quand il le décrit, moi, je vois très bien... où est-ce que ça va l'amener, il le décrit vraiment assez clairement, on a vraiment l'impression qu'il sait très bien dans quoi il fait rentrer l'agriculture biologique. Imaginons maintenant qu'ils vous prennent l'envie de faire de la tomate dans une vallée. Disons, en face de chez moi. Instinctivement, vous allez construire votre projet en cherchant la meilleure terre que vous possédez, proche de la rivière parce que le sol y est plus limoneux, plus léger que sur les coteaux argileux, proche d'une source d'eau et avec le meilleur ensoleillement pour que ce plant puisse souffrir un peu. Vous irez chercher un éleveur proche qui vous cédera un peu de fumier. Vous imaginerez une rotation des cultures sur des parcelles assez éloignées mais de même nature. Bref, vous construirez votre future activité en fonction de vos connaissances du maraîchage. Envisageons qu'en plus, vous ayez dans l'idée de faire cela dans le cadre de l'agriculture biologique puisque, depuis le départ, vous voulez être dans une démarche de respect de l'environnement ou en tout cas dans une démarche de réconciliation avec cet environnement. Un technicien, armé de l'analyse systémique, peut alors débarquer chez vous. Ce n'est pas vous qui l'aurez appelé. Vous découvrirez que l'obtention de vos aides à l'installation est conditionnée par son intervention dans le projet. Il vous dira d'abord que vous faites fausse route, non pas en voulant vous réconcilier avec votre environnement, mais plutôt dans la manière dont vous mettez en œuvre ce beau principe. Vous apprendrez que sa mise en application est maintenant très administrativement encadrée. L'analyseur systémicien vous expliquera alors que votre environnement est un assemblage complexe entre, mettons, par exemple, 1. Un élevage de porcs industriels est en amont de votre ferme, à 10 km, sur un plateau calcaire. 2. Les 10 mètres autour de la rivière à côté de laquelle vous projetiez de faire vos cultures ont été définis comme une zone sensible, administrativement déclarée comme incultivable. 3. Vous êtes en amont d'un hameau de gîtes ruraux. L'eau de la rivière qui passe sur votre parcelle est ensuite récupérée par une activité touristique. 4. Votre ferme est implantée dans une zone déclarée à fort potentiel de développement touristique de votre département, dont le développement a été lui-même analysé comme étant basé sur l'accroissement de cette activité. Si votre installation devient un projet assisté par l'analyse systémique, on vous expliquera d'abord que vous ne pouvez pas récupérer l'eau de votre forage sans un système de filtration de pointe. Non pas parce que ce serait dangereux, mais parce que, maintenant que vous êtes devenu un usager de ressources naturelles, il vous faut prendre l'habitude de participer au maintien de la qualité de cette ressource, ce qui signifie, en l'occurrence, dépolluer l'eau des autres. D'autre part, on vous dira que vous ne pouvez pas utiliser de fumier à cause de la zone sensible autour de la rivière et du village vacances qui se trouve en aval. Non pas que ce soit interdit, ni même dangereux, vu les doses infinitésimales de fumier que vous emploieriez, mais parce que, sur le principe, ce ne serait pas très durable de risquer de mettre en péril les activités voisines, et parce que, en tout cas, cela vous interdirait d'être en synergie avec elles. On vous proposera, enfin, disons plutôt qu'un technicien vous expliquera qu'un ordinateur aura modélisé que vous pourriez faire de la tomate hors sol en bio. Stupeur, hein ? Mais le technicien, tentant d'adoucir l'injonction numérique, sera là pour vous expliquer qu'avec cette solution, vous éviteriez tout risque de pollution en apportant des nutriments directement au pied des plantes et en récupérant les excédents de ces jus alimentaires afin de les recycler. D'autant que l'ordinateur aura repéré que vous pourrez profiter des produits d'un laboratoire qui vient de se lancer dans le département et qui synthétise justement des nutriments pour l'aliment des plantes utilisables en agriculture biologique. Un des derniers fleurons départementaux en matière de technologie à haute valeur environnementale. On vous proposera une production sous serre, pour limiter le nombre de maladies dues à l'humidité extérieure ingérable en plein champ, et limiter ainsi le nombre de traitements, ce qui, vous l'admettrez aisément, est essentiel en agriculture biologique. Et ainsi, par l'assemblage numérique de bonnes intentions contre lesquelles vous n'auriez rien à redire prises séparément, vous vous retrouvez devant une proposition qui correspond exactement à ce que vous vouliez éviter à tout prix. Parce que c'est pour vous la définition même de l'industrialisation. De la tomate bio, hors sol, sous serre chauffée et à contre-saison, car, pour pouvoir faire face à tous ces investissements inattendus, il vous faudra probablement sortir de la tomate d'avril jusqu'à Noël. On vous suggérera enfin de faire partie d'un circuit touristique de visite d'exploitation départementale engagée dans « l'agriculture durable », fermez les guillemets. Pour cela, vous devrez vous mettre à calculer tous les jours l'indice carbone de vos activités afin de réévaluer votre impact environnemental quotidiennement. Tout cela à grand renfort de subventions, bien sûr. Le technicien vous apprendra au passage que la proposition de son ordinateur n'en est pas, à proprement parler, une. C'est devenu une injonction administrative, puisque soit vous obtempérez, soit vous perdez vos aides à l'installation. « que c'est? Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Immatriculer une galère? Non, vous a mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie au port. Hein? Non, nous ne voulons pas immatriculer une galère. Nous voulons le laissez-passer A38. Le port, vous le trouverez au bas de la ville. C'est au bord de la mer, vous pouvez pas vous tromper. Mais nous ne voulons pas le port. Nous voulons le laissez-passer A38. Hein? Le laissez-passer A38. Ah, ne criez pas, hein? Ah, voilà des manières. Où croyez-vous par Jupiter? Adressez-vous au guichet, hein? Couloir de gauche, dernière porte à droite. Non, mais... Dernière porte à droite. Dernière porte à droite. Il n'y a pas de porte à droite. Ah, il a dû se tromper. Essayons cette porte en face. Qui vous a permis d'entrer dans mon bureau? Nous cherchons le guichet 1. Consultez le plan au 6e étage et refermez la porte. Quelle insolence! Continuons, mademoiselle. Ah. Ils sont où, les étages? Continuons. Mais non, pas Yves. 4. Nous allons au 6e. Ah, voici le plan. Oh, moi, je comprends rien. Si, attends. Le guichet 1 est au rez-de-chaussée, couloir de droite en entrant. Et vous pouvez vous adresser au guichet 35, demander à l'huissier. Vous commencez à m'ennuyer avec le pain. Ce formulaire vous permettra d'obtenir le formulaire rose. Le formulaire rose? Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38. Guichet 12, 2e étage, escalier B, couloir J. Pour le formulaire jaune, guichet 7, 5e étage, escalier K, couloir W. Formulaire vert, guichet 14, 1er étage, escalier F, couloir T. Formulaire marron, guichet 56, 6e étage, escalier B, couloir I. Formulaire blanc, guichet 32, 5e étage, escalier 7, couloir A. Formulaire pâle, guichet 7, sortiront pas, Astérix. Donc en 2006, on a cette loi d'orientation agricole qui intègre d'un côté l'obligation d'avoir des puces électroniques sur les animaux, et après cette espèce de terme bizarre qu'on a tous découvert, tous les éleveurs, qui s'appelait la voie mâle, et qui nous obligeait de faire certifier nos mâles reproducteurs, une certification sanitaire sur la production de semences. Ça voulait dire que tous nos boucs, tous nos béliers devaient passer par un... Toujours pareil, hein, donc un processus de certification, et donc devait subir des analyses sur la semence, comme on connaît mieux ce problème-là dans les semences céréales, puisque ça fait longtemps que cette réglementation est en place et que beaucoup de gens la connaissent, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de récupérer du blé d'une année sur l'autre pour la ressemer, on est obligé de passer par la coopérative et du blé certifié, parce que lui, il est censé être certifié contre l'apparition de certaines maladies, enfin voilà, tout le discours sanitaire. C'était pas le cas dans l'élevage jusque-là. Sauf que quand tu t'intéresses à la voix mâle et que tu cherches toujours pareil, à savoir d'où ça vient, tu t'aperçois qu'en fait, l'industrialisation de l'élevage, ça a une date. En 1966, De Gaulle fait une loi qui s'appelle la loi sur l'élevage, où il va structurer tout l'élevage. Structurer, ça veut dire qu'il va organiser deux choses. Il va d'abord monter l'administration qu'on connaît aujourd'hui, qui n'existait pas jusque-là. Et il va l'imposer à toute la filière. D'ailleurs, la filière n'existait pas à l'époque. Il y avait un fonctionnement d'élevage, mais il n'y avait pas de ce qu'on appelle de filière. Et donc, ça, c'est une invention d'État et c'est une invention de l'administration. Structurer toutes les administrations qu'on a aujourd'hui, les éleveurs reconnaîtront, le DE, l'UPRA et compagnie, toutes ces choses-là ont été inventées. Il y a une texte de loi que vous pouvez trouver sur Internet, donc loi de l'élevage 1966, ça a été inventé. On a fabriqué cette administration-là. Dans quel objectif ? L'objectif, c'était de rationaliser l'élevage. Pourquoi ? Parce que quand De Gaulle est arrivé au pouvoir dans les années 50, il avait un projet industriel pour la France, mais il ne savait pas quoi faire de l'agriculture. Et il y a un mec qui lui a donné l'idée de dire, voilà, on pourrait faire en sorte que l'agriculture intègre l'industrialisation en étant consommateur de produits industriels, et donc également, à minima, producteur de produits industriels. Mais l'élevage, pour le dire rapidement, à l'époque, n'était pas du tout architecturé pour fabriquer beaucoup de produits pas chers. On fabriquait des bons produits un peu plus chers. On n'était pas dans la surproduction, on était dans la production. Et donc, pour pouvoir rationaliser l'élevage, tout simplement, donc il fait cette loi, qui fabrique une administration, et dans la loi, il est inscrit que, dorénavant, le seul mode de sélection officiel en France, à partir de 66, c'est le mode de sélection par insémination artificielle. Et l'insémination artificielle, c'est une technique de procréation sur laquelle l'INRA travaille depuis les années, depuis son existence, donc de 46, mais même certains chercheurs travaillent avant. Ils appelaient déjà ça la voie mâle. Et donc c'est en fait une vieille technique par laquelle on fait de la sélection par insémination artificielle. Voilà. L'industrialisation de l'élevage commence par ces deux choses-là, par l'insémination artificielle et une administration qui est là pour surveiller que l'élevage va bien s'industrialiser. Donc aujourd'hui, dans la plupart de la tête de la plupart des éleveurs, les gens pensent que l'administration est complètement indépendante du mouvement d'industrialisation. Non, l'administration a été fabriquée pour suivre et accompagner l'industrialisation de l'élevage. Donc il n'y a pas du tout à s'étonner qu'en 2006, on retrouve une mesure administrative de puçage électronique et de la maîtrise de la sélection, puisque c'est le cas depuis 1966. Ça a toujours été le cas et donc ça continue simplement. En 2009, le règlement RCE de 1991 fut modifié. La volonté des institutions européennes était d'attirer plus d'éleveurs conventionnels vers la bio. Leur objectif était d'atteindre le doublement des surfaces agricoles en bio, objectif après lequel elles courent toujours. Pour les éleveurs, la nouvelle réglementation fut un recul considérable. Désormais, on pourra par exemple traiter les ruminants avec des insecticides tous les jours si on le juge nécessaire, alors qu'auparavant, la réglementation limitait le nombre des traitements à 2 par an, tous traitements confondus, c'est-à-dire antibiotiques compris. On pourra nourrir ces animaux avec une alimentation composée à 100% d'ensilage de maïs, l'aliment phare de la production intensive laitière, mortel pour un ruminant si elle est exclusive, comme c'est désormais autorisé en bio. Sur certains points, le recul est tel que, dans la production de poulet, la certification agriculture biologique se trouve être maintenant moins contraignante que le label rouge, pour ce qui est de la concentration des animaux au mètre carré en bâtiment par exemple. Une fois de plus, quelle fut la réaction la plus significative des producteurs à ces changements ? La Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, la FNAB, mit sur pied un complément de certification, appelé biocohérence, majuscule. Il s'agit d'une sur-certification, c'est-à-dire une certification en plus de la mention agriculture biologique, qui permet, grosso modo, de revenir au cahier des charges d'avant 2009. En voulant faire l'économie d'analyser ce qui avait été à l'origine du dérapage de 2009, les producteurs se proposaient de régler le problème en surajoutant un niveau complémentaire de certification structurée exactement de la même façon que le précédent. On y retrouve la démarche qualité, Q majuscule, la traçabilité. Toutes les méthodes de rationalisation restent toutes bien rangées à leur place. Après quelques années de pratique de biocohérence, quel goût reste-t-il dans la bouche des producteurs qui y ont souscrit ? L'impression de subir encore un peu plus de contrôle, d'avoir rajouté un logo de plus sur des produits qui commencent à être trop petits pour les afficher tous. Bref, plus d'images, moins de proximité. Moi, quand je rentre dans l'agriculture biologique dans les années 2000, vu que j'ai cette expérience de la certification dans la Chéron Poulenc, quand je déboule dans la bio, eh ben, je me dis, je regarde mes potes producteurs et je leur dis, mais vous voyez pas ce que c'est ce truc-là ? Ah ben non, ils me disent, non, la certification, ça nous protège de l'industrialisation. Ben, comment ça ? Ah ben oui, parce que grâce à la certification, en fait, on empêche tous les producteurs industriels de venir dans notre pré carré. Et tu leur dis, mais c'est pas possible, puisque ça, c'est une méthode. Et alors, tu te rends compte qu'en fait, toujours aujourd'hui, la plupart des producteurs bio ne considèrent pas la certification comme étant une méthode d'industrialisation. Et qu'il faut faire un travail de, tu vois, de, c'est pas moi qui vais le faire, mais il faut faire un travail d'explication, parce que c'est pas du tout évident pour eux, même après 25 ans de dérive dans la bio. Ce que ça veut dire, c'est quoi ? C'est que, par exemple, dans la certification, en tête de la certification, on t'explique que, quand tu t'engages dans la bio, tu t'engages à respecter toutes les réglementations qui sont en vigueur, dont la réglementation sur l'hygiène dans les fromageries. Donc là, pour pareil, petit retour en arrière sur l'histoire, c'est quoi la réglementation sur l'hygiène dans les fromageries ? C'est ce qu'on appelle l'HACCP, donc c'est une méthode qui vient de la NASA. Tous les laboratoires, parce qu'on appelle ça comme ça, d'agroalimentaire, quelle que soit sa taille, même une petite ferme, doit respecter l'HACCP. Et donc, c'est une méthode de hygiéniste, hein, d'analyse de risque, blablabla. Et la particularité de cette méthode-là, c'est qu'elle autorise en bio l'utilisation de ferments industriels. Alors, il faut quand même expliquer un petit peu. Moi, la manière dont je fabrique mes fromages, c'est que je fabrique des fromages et que tous les jours, comme un boulanger récupère du levain pour faire son pain du lendemain, je récupère mon petit lait. Le petit lait, c'est quoi ? C'est toute la flotte qu'il y a autour du fromage et qui contient tous les ferments lactiques, toutes les levures. D'où viennent ces levures ? Elles viennent de plein d'endroits différents. Elles viennent du sol, elles viennent des plantes que j'implante dans mes prairies, elles viennent du système immunitaire de mes animaux que je connais maintenant et sur lesquels je travaille. Elles viennent de tout cet environnement-là. C'est même ce qu'on appelle dans la bio, normalement, le lien au sol. C'est-à-dire que j'ai une fromagerie, donc comme j'ai dit tout à l'heure, en 2006, je m'installe une fromagerie qui est objectivement est un espèce de tupperware. La seule raison pour laquelle je peux encore parler un peu de terroir dans mes fromages, c'est parce que je travaille avec du petit lait et qui fait que mon voisin n'a pas du tout le même petit lait que moi et qui ne va pas développer les mêmes ferments lactiques, les mêmes levures et donc pas les mêmes goûts. Avant d'arriver à Montpezat d'Agenais, dans le Lot-et-Garonne, nous avions appris pendant 2 ans à faire du fromage dans mon village d'enfance en Provence. Sans nous poser de questions, nous avions suivi un apprentissage au contact d'un couple d'éleveurs fromagers qui avaient la culture du petit lait. Leurs fromages, je les connaissais par cœur. C'est-à-dire que je connaissais leurs arômes avant même qu'ils ne m'apprennent à les faire, car c'était les fromages de mon enfance. Si bien qu'encore aujourd'hui, je crois que je pourrais les reconnaître au milieu de dizaines d'autres, plus assurément que je reconnaîtrais les nôtres. Puis, quand nous sommes arrivés à planter, à près de 500 km de chez moi, la fabrication du fromage a d'abord pris la forme d'un trafic de petits laits, parce que je ne retrouvais pas dans mes fromages les arômes que je connaissais bien. Mes repères gustatifs, qui m'indiquaient si le petit lait était de bonne qualité et le fromage en bonne santé, étaient liés à ma région d'origine. Je m'étais habitué à un petit lait très floral, légèrement piquant, presque pétillant, sec et massif. Au fur et à mesure, il nous fallut découvrir et accepter que nous ne pouvions plus faire le fromage que nous connaissions et qu'il nous fallait découvrir ce nouveau fromage et ses arômes correspondant à un nouveau terroir. C'est par le fromage que nous apprîmes à connaître notre nouvelle région. Le petit lait est plus gras, plus long en bouche, avec une tendance à s'endormir à la moindre dérive. Il est plus doux, plus sucré, mais avec plus de nuances aromatiques. Voilà, c'est le dernier fil qui me reste, pour me dire que je fais un peu de terroir et que j'ai une typicité dans mes fromages. Donc j'y fais super gaffe. Mais la réglementation HACCP me dit « Ah mais non, mais ça c'est pas possible mon pote. » Parce que dans l'idée de la réglementation, tout ce qui arrive de l'extérieur de la fromagerie est potentiellement pathogène et donc il ne faut pas que les ferments de l'extérieur de la fromagerie, en plus qui peuvent venir des plantes, de la terre et du fumier, puissent rentrer dans ma fromagerie. Donc normalement, la réglementation bio, pas interdit l'utilisation de petit lait, mais pousse à ce que, et autorise qu'on utilise des ferments industriels. C'est quoi un ferment industriel ? C'est tout simplement un ferment qui a été cultivé dans un laboratoire et sélectionné dans un laboratoire. Et donc là, tu te dis, mais c'est pas possible, puisque ça contrevient à une des dernières bases que le cahier des charges a conservé, qui s'appelle le lien au sol. La réglementation agricole ne t'empêche pas du tout d'utiliser des ferments industriels, alors que ça contrevient complètement à l'essence même de la bio. Et donc là, bon, ça c'est un exemple, il y en a, je pourrais vous en citer beaucoup d'autres, et donc il y a un moment donné, il va falloir que les éleveurs et les producteurs se rendent compte que la bio n'a jamais protégé les producteurs, et qu'en fait elle te pousse, au contraire, à intégrer de plus en plus de méthodes industrielles. Oh, je voudrais tant ça devienne des jours heureux et la misère finie. Mais maintenant, nous sommes des rebelles et l'on peut voir dans le monde aujourd'hui emporte avec le pouvoir qui les suit. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. C'est une pratique qui nous rassemble. Je les assassine en Argentine. Nous survivons tous deux ensemble. Tu les fous en l'air sur ceux qui baisent tout doucement en faisant du bruit. Et le temps ne saurait effacer le pas des amants tous unis. Vous écoutez Radio Zinzine et voilà, c'était donc l'émission Racine de moins 1. C'était la deuxième partie de l'interview avec Xavier Nolian qu'on a entendu. Une émission qui a été réalisée par le Canal Sud, une station de radio libre du côté de Toulouse. Et donc je remercie Canal Sud d'avoir réalisé cette émission, de l'avoir mise en forme et aussi de l'avoir mise en ligne et à partir de laquelle j'ai réalisé ces trois émissions, puisque voilà, Xavier Nolian nous a présenté son ouvrage Le ménage des champs, chronique d'un éleveur au XXIe siècle. Et précédemment, dans une précédente émission de Racines de Moisins, j'avais repris aussi l'interview qu'avait réalisé Canal Sud avec Yannick Ogor, Le paysan impossible, récit de lutte Charlotte, et ces deux ouvrages sont parus aux éditions du Bout de la Ville en 2016 et 2017. Chacun d'ailleurs est au prix de 12 euros si vous voulez le commander dans une librairie. Donc voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.